d'Ouïman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 25 octobre 2022. Voici les grands titres de cette édition. La décision prise par la Serbie d'interdire au Burundi d'entrer dans ce pays ne concerne pas ceux qui ont des visas. Vous entendrez des précisions avec le ministre en charge des relations extérieures. Et certains agriculteurs de la province de Luigi disent que parmi leurs principales alimentations figurent essentiellement le haricot, le manioc et la patate douce. Ce mardi, à Ruyigi, on célèbre la journée internationale de l'alimentation. Et dans la chronique santé, nous parlerons de la dépression chronique. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. L'Union européenne vient de lever les sanctions individuelles contre trois personnalités burundaises, dont le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Cette décision prise ce 24 octobre 2022 par le Conseil de l'Union européenne concerne également Godefroy Bizimana et Leonard Ngendakumana. L'Union européenne s'engage à continuer à appuyer les efforts de développement et les réformes entreprises par le Burundi. Je venais de vous le dire, la décision prise par la Serbie d'interdire aux Burundais d'entrer dans ce pays ne concerne pas ceux qui ont des visas. Cela a été dit ce mardi par le ministre des Relations extérieures et de la Coopération lors de la présentation des réalisations de son ministère au premier trimestre de l'année budgétaire 2022-2023. Concernant la question des putschistes de 2015 qui se trouvent au Rwanda, Albert Shingiro fait savoir que les négociations entre le Burundi et le Rwanda se trouvent à une étape satisfaisante et que bientôt ils seront extradés au Burundi. Suivez-le. Chaque pays, qu'il faut pour prendre des décisions. Vous voudrez bien nous excuser pour cet élément sonore qui n'a pas été bien enregistré. Les femmes élues de la colline jusqu'au niveau parlementaire en province Ngozi et Kayanza demandent que les 30% qui reviennent aux femmes dans les institutions soient reconnus officiellement, même au niveau collinaire. Nous reviendrons sur cet élément. Et certains agriculteurs de la province de Ruyigi disent que parmi leurs principales alimentations figurent essentiellement le haricot, le manioc et la patate douce. Nous reviendrons également. On me fait signe que le micro-baladeur est là, de Ruyigi. Ces habitants de Ruyigi disent que leur principale alimentation, c'est le haricot, le manioc et la patate douce. Ce mardi, c'est la journée, on célèbre la journée internationale de l'alimentation dans cette province Ruyigi. Mais cependant, ces agriculteurs indiquent que suite au climat qui n'a pas été bon, ils sont obligés de manger entre une ou deux fois par jour. Suivez son micro-baladeur. Dans notre province de Ruyigi, nous avons été victimes de changements climatiques. La pluie a tari, nous ne sommes pas en train de semer, mais nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, la pluie pourra tomber. Il y a eu beaucoup de conséquences. Nous qui sommes en âge avancé, nous sommes incapables de nous rendre en Tanzanie à la recherche du travail pour que nous puissions faire vivre nos enfants. Ces derniers, quand ils n'ont pas quoi mettre sous la dent, ils abandonnent l'école car notre province a été touchée par le changement climatique. C'est pourquoi, au lieu de travailler pour développer leur pays, ils prennent l'option d'aller chercher du travail en Tanzanie ou en RDC. Nous demandons au gouvernement de nous procurer des semences. Idéalement, l'on devrait manger trois fois par jour. Mais suite à la pauvreté, l'on ne mange que deux fois par jour, midi et soir. Cela fait suite à une mauvaise récolte, suite au manque de fertilisants et au manque de certaines semences. C'est pourquoi la récolte est précaire à chaque fin de la saison, nous demandons aux associations qui nous entendent de nous venir en aide. La priorité, c'est l'encadrement et les encadreurs qualifiés. C'était le micro-baladeur réalisé par notre correspondant Arthur Kavawushi. Certains habitants vivant sur les rives de la rivière Nahangwa, du côté Kigobe et Nyakabiga, se lamentent du fait que les matériaux de construction comme des fer à béton utilisés pour la construction du lit de cette rivière ont été volés par des inconnus. L'infrastructure avait été conçue pour faciliter le passage des eaux afin d'éviter l'inondation des habitations environnantes. Ils demandent que cet endroit soit sécurisé. C'est un reportage de Jean-Marie Mayonga. Cet endroit se trouve à la rivière Nahangwa, en amont. C'est environ à 300 mètres. Arrivé à cet endroit, les fers à béton sont exposés à l'extérieur parce que ça n'a pas été facile de les voler. Et dans une autre partie, les constructions en ciment ont été démolies pour voir comment voler ces matériaux de construction. Ces objets aident dans la construction du lit de cette rivière, afin que l'eau passe sans causer des dégâts dans les habitations environnantes. Celui-ci est un habitant du quartier Kigobe qui signale que ces voleurs y passent souvent la nuit pour voler. Quand l'eau déborde, les maisons sont détruites, même pour les routes comme celle de Kigobe et celle de Nyakabiga. Vous voyez également cette école et aussi l'église Pentecôte. Vous constatez que les voleurs détruisent petit à petit ces infrastructures. Ils vont détruire même le pont. Ces habitants demandent que la sécurité soit renforcée dans cet endroit afin d'interdire ces voleurs de continuer à venir dans cet endroit. Nous demandons que la sécurité soit renforcée. Vous voyez qu'il y a une petite brousse. Le cas contraire, vous voyez qu'ils vont tout voler. Depuis le début des travaux de construction du lit de cette rivière, ce vol des matériaux de construction a été constaté il y a un mois. Jean-Marie Mayonga sur cette malfaisance. Marc Rougerignang est spécialiste en construction et aménagement des rivières qui a dirigé et suivi les travaux de stabilisation de cette rivière, Nahangwa, trouve que c'est une grande perte pour le pays. Il suggère que même d'autres rivières et ravins soient réhabilitées à temps pour éviter le coût de l'inaction. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. J'ai visité presque toutes les rivières qui traversent la capitale économique Bujumbura, particulièrement la rivière Nahangwa, où j'ai dirigé des travaux de l'aménagement de cette rivière pour la protection des quartiers Nyakabiga et Mutanga Nord, y compris le pont de la République. J'y ai passé après quelques années, même dans ces jours qui viennent de passer, il y a une semaine, je suis passé par là. Le constat est amer. Il y a quelques mois, des gens sont venus pour détruire le barrage qui était construit pour récupérer les fers à béton. Ce sont des actes qui ne sont pas vraiment à soutenir parce que c'est du banditisme, mais aussi c'est une destruction parce que le barrage maintenant est sujet à la destruction. Et si le barrage est détruit, c'est-à-dire que l'ouvrage qu'on a construit là va partir. Sur la rivière Nahangwa, nous avons fait trois projets. Le premier projet est menacé par les érosions en aval. Le deuxième projet est menacé parce que déjà le premier projet est menacé. Parce que le deuxième projet était venu reconforter tout l'ouvrage. Mais comme il n'y a pas eu des aménagements en aval de ces ouvrages, ils sont menacés. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait faire, c'est faire l'aménagement en aval pour protéger les ouvrages qui sont construits en aval du pont de la République. Non seulement il y a cette rivière Nahangwa, il y a d'autres rivières qui traversent Bujumbura, notamment les rivières Muha et Kanyosha. Elles aussi menacées. Qu'est-ce qui devrait être fait pour ces rivières traversant Bujumbura ou d'autres ravins à Bujumbura ou ailleurs? Nous avons trois principales rivières qui traversent la ville de Bujumbura, dont la Nahangwa, la Muha et Kanyosha et d'autres petits ruisseaux. Aujourd'hui aussi, il y a même des ravins qui menacent les infrastructures y érigées. Donc c'est une menace économique et sociale. Aujourd'hui, alors, ce qui devrait être fait, c'est le suivi et l'aménagement de ces rivières. C'est ce qu'il faut faire dans l'urgence pour pouvoir contrecarrer toutes les conséquences qui peuvent être effectivement beaucoup plus néfastes qu'on le pense. Parce que, vous savez, le coût de l'inaction coûte trop cher. 10 fois même le coût qui devrait être engagé à temps. Captez Isanganiro, écoutez la différence. On revient sur l'interview du ministre en charge des relations extérieures et de la coopération, Albert Shingiro, qui nous dit que la décision prise par la Serbie d'interdire aux Burundais d'entrer dans ce pays ne concerne pas ceux qui ont des visas. C'était ce matin, quand il présentait les réalisations du premier trimestre de l'année budgétaire 2022-2023. Albert Shingiro fait également savoir que les négociations entre le Burundi et le Rwanda se trouvent à une étape satisfaisante. Chaque pays qu'il faut pour prendre des décisions ou de conventions, des accords entre les États, ces relations sont souvent basées sur la confiance mutuelle. Si un pays X ne parvient pas à mettre en application de tels accords, le pays Y ne peut pas saisir la Cour internationale pour dire que l'autre pays n'a pas appliqué les mesures contenues dans cette convention, dans cet accord. Donc il s'agit d'une décision souveraine que nous respectons, mais je tenais absolument à dire que la mesure ne concerne pas les Burundais qui veulent y aller avec visa. La mesure concerne uniquement les Burundais possédant des passeports ordinaires qui souhaiteraient y aller sans visa. Cette mesure a été prise, nous avons été informés, nous avons obtenu une note d'information là-dessus. La deuxième question concerne les relations entre le Burundi et le Rwanda. Ces relations sont relativement bonnes. Nous sommes en train de travailler là-dessus avec mon homologue, mais aussi avec d'autres institutions, pour que petit à petit, graduellement, ces relations puissent prendre la forme qu'elles avaient auparavant, avant 2015. Mais assainir les relations entre nos deux pays, compte tenu des événements qui ont eu lieu en 2015, est un processus qui peut être long parfois. C'est pour cela que nous y travaillons jour et nuit, pour pouvoir avoir des relations de bon voisinage qui permettraient aux ressortissants de deux pays de se visiter mutuellement pour que les putschistes qui sont hébergés à Kigali soient remis à la partie burundaise. Nous pensons que le Rwanda ne pourra pas interchanger les relations de bon voisinage avec le maintien de ces putschistes à Kigali. C'était le ministre en charge des relations extérieures. Les femmes élues de la colline jusqu'au niveau parlementaire en province Ngozi et Kayanza demandent que les 30% qui reviennent aux femmes dans les institutions soient reconnus officiellement même au niveau collinaire. Proposition faite dans un atelier organisé à leur intention par la COCAFEM Grand Lac ce lundi à Ngozi. Ces femmes affirment que les collines dirigées par des femmes évoluent rapidement vers le développement durable. Les hommes présents à la réunion confirment aussi la capacité de pas mal de femmes à diriger les autres, même si des fois elles rencontrent des problèmes quand elles sont sollicitées la nuit. Anne Spesinichim, chargée du plaidoyer à la COCAFEM Grand Lac, indique que cette rencontre vise l'évaluation de la redevabilité de ces femmes élues en 2020. En actualité sous-régionale, différents marchés d'Uvira à l'est de la République démocratique du Congo connaissent une hausse des prix de denrées alimentaires et une des causes avancées, c'est l'absence des commerçants burundais, tanzaniens et zambiens. Reportage signé Thompson Onji Batangaloa William. Nous sommes dans les marchés centrales d'Ouvira. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de galoper. La mesure des farines de maïs est vendue à 800 francs au lieu de 500 francs congolais. Alphonse Ngaïra, préposé dans ces marchés, pense quant à lui les changements climatiques comme l'une des causes. Pour le moment, les riz importés de Tanzanie, un kigos coûte 2000 francs. Alors qu'auparavant, ce n'était pas les prix. Le riz de Kiliba, localement, ici chez nous, est à 1500, alors qu'auparavant, on l'achetait à 800 francs, 1000 francs, mais aujourd'hui, tout a grimpé. Le riz pakistanais, c'est un gigos coûte 1600, et les autres vendent ça à 1700 francs congolais. La cause, comme tout le monde le connaît, il y a eu une perturbation saisonnière. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de pluie, c'est-à-dire les gens ne cultivent pas. Et en deuxième lieu, vous savez que nous sommes frontaliers avec différents pays et différentes provinces de notre pays, Tanganyika. Mais ces derniers temps, ces gens nous ont refusé d'importer. le maïs est séché. Au marché Mahin de Léo, un sac de riz de 100 kg qui coûtait 58 dollars en 2021 est actuellement vendu à 110 dollars. Un sac de farine de maïs de 25 kg qui coûtait 13 dollars revient à 20 dollars américains. Et les sacs de riz de 25 kg coûtent 30 au lieu de 20 à 25 jadis. Les vendeuses de ces marchés indiquent qu'un sac de fraises secs qui coûtait ça à 120 dollars se négocie entre 350 à 400 dollars américains. Pendant qu'un sac de poisson blé fumé Mikebuka varie entre 450 à 500 dollars. Cette information est confirmée par Moussoboa Mouzama Norbert, préposé du marché Maendeleo. Selon lui, les pirogues motorisées en provenance de la Tanzanie et de la province voisine de Tanganyika ne sont plus fréquentes dans les marchés. Il ajoute que les années antérieures, la ville d'Uvira recevait 8 à 10 pirogues en provenance de la Tanzanie par mois. Ces derniers temps, 2 à 3 pirogues seulement y accostent. Moussoboa fait savoir que deux principales raisons sont à la base des hausses des prix. Il parle de la crise mondiale causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de la multiplicité des taxes au port de Kalundu. 13 à 15 services de l'État congolais sont toujours viables pour taxer chacun selon sa nomenclature. Pour rappel, le maire de la ville de Kalemi a suspendu il y a quelques semaines l'exportation et importation de maïs dans sa ville. Uvira, Thompson Onjiba Tangalo William. En actualité internationale, avant la chronique santé, au Burkina Faso, une attaque terroriste a eu lieu ce lundi à Djibo, dans le nord du pays, et a visé la base du 14e régiment interarmes. Le bilan provisoire établi et annoncé par l'état-major de l'armée burkinabé fait état de 10 militaires tombés au cours des combats et une cinquantaine de blessés qui ont été pris en charge. Et ce lundi, 24 octobre, devait s'ouvrir à Johannesburg, en Afrique du Sud, des pourparlers très attendus sur la guerre en Éthiopie, avec des délégations du Tigré et du gouvernement central éthiopien. Mais dans un contexte très tendu, en effet, l'armée fédérale gagne du terrain au Tigré et la communauté internationale ne cesse d'appeler à un cessez-le-feu. Très peu d'informations pour l'instant filtrées sur ces négociations, mais la perspective de ce dialogue n'a en rien apaisé les tensions. Alors que le Tchad se récupère de la répression meurtrière des manifestations du 20 octobre, Kinshasa accueille ce mardi 25 octobre un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la situation politique dans le pays. 11 pays seront représentés à ces assises en présentiel, convoquées par Félix Tshisekedi, actuel président de l'organisation. Alors que jamais n'avait obtenu le soutien de la CEAC, celle-ci cherche surtout à désigner un médiateur pour la crise. Radio Isanganiro, chronique santé. Je l'avais annoncé dans les titres, nous parlons de la dépression chronique qui se définit par la présence de symptômes durant au moins 2 ans. Et c'est comme un sentiment de tristesse et une fatigue permanente. Déborah Irakiza, psychologue clinicienne, fait remarquer que la dépression est renforcée par le fait de rester avec l'entourage qui l'a causé. Ornella Mojo. Une dépression chronique, c'est une dépression qui récidive après quelques mois dans un délai de 2 ans. Déborah Irakiza, psychologue clinicienne, indique que le patient éprouve les mêmes symptômes que pour un épisode dépressif caractérisé. À ces signes s'ajoutent des symptômes physiques comme le ralentissement physique et psychique, mais aussi des problèmes sexuels et une mauvaise qualité du sommeil. La sensation de fatigue, un sentiment de tristesse. Cette sensation de fatigue, elle est vraiment permanente de façon à se poser des questions. À côté du sentiment de tristesse, il y a les troubles alimentaires, les troubles du sommeil. Il y a aussi une perte d'intérêt général par rapport à des activités que tu aimais faire avant. Un traitement mal suivi et arrêté trop tôt peut être la cause de cette dépression chronique. Alors, les causes de cette chronicisation de la dépression, c'est le fait de ne pas avoir un traitement efficace par rapport à la dépression que la personne traverse. Et si la personne n'est pas bien traitée, il y a risque de rechute, je dirais, d'où on parle de chronicité parce que ça revient de temps en temps. Il y a aussi le fait qu'il y a la pérennisation des facteurs dépressogènes. Peut-être que c'est la famille qui a à l'origine de cette dépression. Peut-être que c'est dans le milieu professionnel qu'il y a ces facteurs-là. S'ils sont toujours présents et que la personne, après avoir fini son traitement, retourne dans le même environnement, il y a vraiment risque de rechute, il y a vraiment risque de cette chronicisation de la dépression. Quand la dépression se prolonge, on peut envisager un traitement adapté et bien suivi. La prise en charge se fait par une psychothérapie qui est généralement accompagnée par la médication antidépresseur. Pourquoi on associe les médicaments à côté de la psychothérapie? C'est parce qu'on a déjà remarqué que cette dépression revient toujours. C'est là qu'on a besoin de ces médicaments pour réduire les symptômes physiques. Et la psychothérapie va aider à changer sa manière de penser, de manière à ne plus passer vers les pensées négatives qui vont peut-être conduire la personne à des pensées suicidaires. Dans notre prochaine chronique santé, Déborah Irakiza donnera des conseils adressés à la personne souffrant de cette dépression chronique, mais aussi à l'entourage des patients afin d'aider la personne de sortir de cette dépression. Ornella Mucho, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Un très bon après-midi.